Il est 20h. Un animal terrible. Nous en avons connu un en Écosse il y a quelques années. Un canard charmant au demeurant. Oh, puis ne sachant pas quoi faire pour nous faire plaisir, c'est vraiment se mettant en quatre, les ailes d'un côté, les cuisses de l'autre. N'empêche, il a tout de même fallu l'entamer à la scie circulaire. Shawty, get down, good Lord. Baby, got 'em open all over town, yeah. Strictly Beast, she don't play around. Covered much ground, got game by the pound. But getting paid is a forte. Each and every day, true play away, but I can't get her out of my mind. Why? Think about the girl all the time. Why? East side to the west side, pushing about right, it's no surprise. She got tricks in the stash, backing up the cash, fast when it comes to the gas. But by no means average, she's on when she's gotta have it. Baby, you're in. I wanna get in. Can I get down so I can win? I like the way you work it. No DVD. I gotta bag it, bag it up, girl. I like the way you work it. No DVD. I gotta bag it, bag it up, girl. I like the way you work it. No DVD. I gotta bag it, bag it up, girl. I like the way you work it. No DVD. No DVD, no doubt. She's got class and style, street knowledge by the pound. Baby, never act wild, very low key on a profile. Catching villains isn't no, let me tell you how it goes. Shorty, bang, bang, to look your way. But I like the way you're working. Dropped out all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time. Baby, I can get you in my ride. I like the way you're working. No DVD. I gotta bag it, bag it up, girl. I like the way you're working. No DVD. I gotta bag it, bag it up, girl. I like the way you're working. No DVD. No DVD. No DVD. No DVD. No diggity, Tiff Barrow, pour démarrer Goeienavond. Bonsoir. Tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous. Nous sommes ensemble jusque 22h. Ouais. Et ouais. Ouais. Ça ressemble à une émission. presque oui. ça. Presque. Il manque quelques trucs. Allez, on va ouvrir tout de suite le débat, on va le refermer. Il y a eu plein de problèmes. Il y a heureusement des solutions. Et ça on va arrive. Passer 2 heures de musique, c'est ça le principal finalement. Ouais. Et donc au programme ce soir. Album de la semaine, mm-hmm. non préparé. La review de Korenko, non préparé. Le fil rouge, non préparé. Il n'y aura même pas d'archives, non préparé. Ah si, si, enfin si, il y aura une archive, mais bon. Non préparé. Pas d'un groupe, non préparé. Books on the radio, bon préparé quand même. Ah ouais, ouais, ça, ouais. C'était ouais. le plus facile. Bon, et 2-3 nouveautés préparées. Ah, quand moi même. Aussi. Et alors, je me suis dit, tiens, on a parlé de nouveautés en 2016, mais vite fait comme ça. Et donc, je vais revenir sur des nouveautés 2016. Cool. Je me dis, jusque février, on peut encore faire ça. À partir de dimanche prochain, on fera autrement, quoi. D'accord. Voilà. Et on dira un mot, parce qu'on ne peut pas les prendre à l'antenne. On est absolument ultra désolé, mais voilà, la technique faisant. On va dire un mot sur le gros week-end de Extreme Scandalous. La semaine prochaine, donc restez bien à l'écoute, on vous parlera un petit peu de ce qui se passe là-bas, du programme, etc. D'accord. Bah voilà, vous devez les avoir par téléphone, mais... Problème technique ayant. Pas possible. Voilà. Pas possible. Allez, on est parti ? On est parti. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippe Barre, le sarcasme prud'homesque. Monsieur Naudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine, donc. L'album de la semaine. On se croirait dans un studio avec le gars derrière la vitre qui fait hey. Ça tombe bien, on a déjà enlevé la vitre. C'est déjà ça. Album de la semaine donc. Oui. Pas très préparé, mais bon. Non. On va un peu découvrir avec vous en fait. Ah bah c'est écoute, pas mal. Bah, hey. C'est déjà pas mal. C'est le principe des albums de la semaine. Le groupe est français. Ouais. Trio qui s'appelle Mnémotechnique. Ah ouais, tiens, bon, parlons de la semaine prochaine. Voilà, ça tombe bien. Hein, tout est dans ça, tout. Tout est dans tout. Ouais. Leur album s'appelle Weapons. Mm-hmm. Et c'est un groupe qui a été formé en 2009 du côté de Brest et de Rennes. Ah, ah oui. Toujours un peu de vent là-bas. Toujours. Et d'ailleurs, ils ont pris un peu de vent dans les oreilles. De vent favorable, bien sûr. Mais oui. Hein. Bah, il ne peut en être autrement. Et forcément, ils sont signés chez un des labels que nous apprécions particulièrement chez nous, A Temps Rêvé du Roi. Ah! Bonheur. Premier extrait pour ce soir, pour Mnémotechnique et leur album Weapons. On va écouter le morceau qui ouvre l'album. Ça tombe bien, il s'appelle Weapons. Thank you. Mnémotechnique avec Weapons, extrait de leur album du même nom, sorti le 20 janvier, donc il n'y a vraiment pas longtemps, il y a une dizaine de jours. Difficile à classer quand même, alors qu'ils sont chez A Temps Rêver du Roi, c'est pas trop étonnant non, en soi. Hein, tout, bon, on a des ambiances comme ça et des retours d'ambiance qui nous font dire quelque chose, hein. Donc ça ouais. Mais ouais, non, quand même difficile à caser. Ouais, il y a un côté, enfin, il s'annonce comme influencé par Nirvana et Sonic Youth. Allez. Ouais. Apparemment, c'est les deux groupes qui font, qui leur ont fait faire, en tout cas, la musique actuelle. Faut voir leur âge, quoi. Ils sont pas tout jeunes. Ouais. Et alors, Sonic Youth, ouais, mais pas tant que ça. Mais est-ce que les... On devrait leur poser la question. Est-ce que les influences, finalement, de tous les gens qui se trouvent chez A Temps Rêver du Roi, est-ce que ça joue, finalement, sur leur propre musique, hein? Ah, c'est une bonne question. C'est peut-être ça, hein. Moi, je pense pas, si. Je ne sais pas. C'est possible. La question est ouverte. On leur posera une fois la question, Omi. Donc, commencé en 2009, le groupe avait sorti déjà un album qui s'appelait Awards en 2013. Et donc, 4 ans après quand même, ils reviennent avec cet album Weapons. Ils font une belle petite tournée en France. En Belgique? Ah. Bientôt? Peut-être. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. À voir. Ouais, mais ils étaient en Belgique il n'y a pas si longtemps que ça. Et alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais évidemment, comme c'est très drôle quand on n'est pas connecté, hein, donc on ne sait pas se retrouver comme ça. Je pense qu'ils ont fait une date avec Adolina. C'est bien possible. Ouais, ça me dit quelque chose, cette affiche. On trouvera l'info pour la deuxième partie. Allez. Promis. Allez, deuxième extrait pour ce soir, pour cet album. Oui, bien sûr. On va écouter Breather. Thank you. tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir là-dedans? Examination of the Eye of a Horse. C'est le nom de l'album, nouvel album des Norvégiens de Mø. On écoutait Paris. Et ça sort chez Conrad Sound l'an dernier. Ça fait partie des très très grands albums de 2016. Je vous avais dit qu'on allait parler de nouveautés. On n'a pas eu l'occasion vraiment bien dans les canards de en parler en long et en large. Mais ce groupe est vraiment extrêmement intéressant. Le titre du jour, c'était Paris. Bye. Paris. Bah tout est dedans. Hein. Il y a l'artwork, il y a une espèce de monstre, espèce de poulpe qu'on comprend pas très très bien, mais un peu inquiétant quand on regarde de plus près. Ça ferait un beau tatou d'ailleurs pour ceux qui aiment bien les pochettes de disques en tatou. Et vraiment à suivre, je pense. En route le groupe, si je dis pas de bêtises, depuis 2011. Ouais. Allez, fil rouge. Le fil rouge. On continue, on va terminer quand même David Bowie. David. Nous sommes arrivés dans les années 80 et notamment la fin des années 80, en 89 exactement. Mm-hmm. Après toutes les péripéties, les films qu'il a fait qui ont été des bides un peu totales, faut bien le dire. Il décide de faire partie d'un groupe un peu de façon anonyme. Ouais, enfin... Ouais, à la base, ce qu'il voulait. Il raconte un peu le conte avec Reeves Cabrel, c'est puis ça. Voilà quoi. Voilà. On ferait pas et ça. Il forme le groupe Teen Machine, ouais. Qui ne durera pas très longtemps d'ailleurs. 2 albums. Oui, c'est ça. Déjà. C'est ça. Pas beaucoup plus. Le groupe qui voulait en fait une démocratie va vite tourner forcément autour de David Bowie. Et en 1989, ils sortent Teen Machine, justement, ouais. Qui a été plutôt bien pris commercialement, mais un peu moins par les critiques, vu enfin, que... Bien pris commercialement, c'est un grand mot. Mais oui, par les fans et tout aussi, plus ou moins. Et un peu moins par la critique, puisque ça parlait de l'émergence des néo-nazis, et forcément, ça passait pas très bien. Qui est assez logique. Suite à ça, Bowie va quand même avoir quelques problèmes avec son label du moment qui est EMI et il va décider donc de quitter le label et de reprendre une carrière solo et notamment de partir en concert et de reprendre en fait tous ses tubes d'avant pour se faire un peu de fric sur moi. Faire un peu de best-of. C'est ça. et monter le Sound Vision Tour. Ouais. Bon. Voilà. Allez, extrait de Teen Machine quand même. Vivement les années 90, quoi. On y arrive. Vivement le sling et tout ça, quoi. On y est presque. Après, ouais. Allez, Teen Machine, on va écouter Quick City. Bon titre de vos passages. Hein. Ouais, j'ai cherché de. Faites-vous votre avis, mais bon titre. Ouais, bon choix, en tout cas, pour l'album. Pas mal, pas mal. Voilà. And the sufferings that conspire to take a little bite. Et retour avec Lémy, ça veut dire qu'on va vous parler des musiques bruyantes et agitées en compagnie de Korenko. Hein. C'est devenu presque une habitude. C'est devenu une habitude. C'est vrai ? Ben oui. Allez, c'est devenu une habitude. On vous parle évidemment des sorties comme elles peuvent venir, évidemment. C'est début d'année, c'est pas encore blindé. Mais. Ça commence. Et il y a des choses intéressantes. Hein. Vraiment. Farflung. Mm-hmm. On en parlait dans le top album 2016, oui. Pas plus tard que la semaine dernière, enfin j'en parlais un petit peu. Et ben Farfung qui revient et qui annonce un hippie. Ça va s'appeler, si je dis pas bêtise, Unwound Celluloid. C'est drôle d'ailleurs. Frown. Il y a un petit teaser qui traîne pour le titre You Will Kill For Me. Rien que ça. Et ça va évidemment sortir chez Heavy Psych Sounds comme leur album numéro 5. Bon, allez, si vous aimez bien ces ambiances un petit peu psychées à la Hawkwind et tout ça, c'est pour vous, évidemment. Nouveau morceau sous pour Chelsea Green, American Dream. Ça porte bien son nom, hein, surtout en ce moment, évidemment. L'album Self-Inflicted est sorti vendredi dernier. Donc, essayez de retrouver Chelsea Green. C'est très, très solide, c'est très rentre-dedans, c'est très grind-groll. Voilà quoi, histoire de remuer un petit peu. Histoire de remuer également le teaser du prochain Betraying the Martyrs, prochain album qui sortira, qui est donc sorti, décidément, j'ai tout en retard, qui est donc sorti vendredi, il y avait un teaser qui était là, je vais aller un peu plus loin dans les news, hein, évidemment. On vous l'avait dit, c'est pas préparé, hein, donc c'est pas préparé, bien la preuve que c'est pas préparé. Allez, dans les news peut-être un petit peu plus récentes, en espérant qu'il n'y a pas que des disques sortis vendredi, ça nous changera un petit peu évidemment. Yep. Amen Ra qui rentre en studio pour travailler sur son prochain album. Amen Ra, c'est un groupe belge. Ils viennent de faire une pause. Ils devraient sortir leur studio en février pour faire une tournée acoustique. On est un petit peu curieux de voir ça. Ils seront notamment au Générique Festival le 16 février prochain à Dijon. Bah, Amen Ra en acoustique, ça peut donner quelque chose. Les morceaux sont très très puissants. Et bon, bah on verra quoi. Dans les news encore, évidemment, Satan qui sort un nouvel album. Satan est à Grenoble, le groupe est originaire de l'Isère et arrive avec un nouvel album, Un Deuil Indien, c'est le nom de l'album. Ce sera dans les bacs le 17 février prochain et un premier extrait qui est en ligne qui s'appelle Perdu dans Cordou. Rien que ça, il y a 10 titres sur cet album de Satan. Comme chaque fois, évidemment, il y a une news sur Metallica, donc je n'ai absolument pas regardé cette news, donc je ne sais pas de quoi ça cause, évidemment. On confirme donc bien le Farflung Unwound Celluloid pour avril prochain. Il faudra suivre ça, et voilà. On l'a dit une fois, on le redit deux fois, pour être sûr, bien sûr. Prochain extrait, extrait aussi de Death Therapy. Pour l'album de Storm Before the Cane qui sortira le 24 février prochain. Nouveau clip pour Sensefell. On les pensait finis, ben non, ils sont toujours là. Rayon France Uneven Structure aussi qui travaille sur un nouvel album qui s'appelle La Partition qui sortira sur Long Branch Records. Et puis les premiers noms pour le Corse Festen, en tout cas pour les. La journée métal, hein, on annonce bien sûr les Pixies le 4 août prochain. Mmh. Ouais, mais on annonce aussi quelques noms pour le 6. Et dans les premiers noms, on a Megadeth, Alice Cooper. Encore. Et Marilyn Manson. Nostalgie quand tu nous tiens. Ouais, c'est ça. Hein, un c'est petit ça. Peu de ça. Allez, l'album du mois et le groupe du mois chez Korenko en janvier, c'était Hurlement, qui sort un album qui s'appelle La mort sera belle. Album qui sort en 2017 chez Eman Metal Records. Hurlement, c'est 13 ans de carrière, 3 albums, ils prennent leur temps, c'est du métal en français, c'est bien à l'ancienne, donc on a des bons riffs années 80, on peut dire ça, mais sans que ça soit péjoratif, c'est vraiment bien foutu comme tout, la voix bien en place. L'album donc s'appelle La mort sera belle, mais. Vous le dis, émission pas préparée, donc ça sera pas un extrait de La mort sera belle, mais un extrait d'une compilation qui s'appelle Metal Tape, qui est sorti sur J'ai le groupe de compilation La Souterraine, qui sortent généralement bien de la chanson française et qui se sont dit, tiens, on ferait bien une spéciale métal. Et donc sur cette compilation Metal Tape, on retrouve un hurlement en 2016, le titre Acquisition. Voilà. Tout un programme. Tout un programme. We'll be right back. Retrouve-nous sur Facebook, www.facebook.com/RQC95. Thank you. Allez, le petit morceau groovy du soir. Graham Central Station. Bonheur. Bonheur. C'était sorti en 1975. Le morceau s'appelle It Ain't Nothing But a Warner Bros. Party. Et ça groove sévère. Hein. Ça groove sévère. Ça a été extrait de leur troisième album. Ouais. Qui a quand même monté jusqu'à la quatrième place du Top Souls Album. Allez. Du Billboard. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Pas n'importe quoi. Bien. Bon, on devait avoir Harmony qui est membre de Extreme Scandalous, qui est un collectif basé à Dour. Et vous n'êtes pas sans savoir, si vous écoutez RQC régulièrement, qu'on a des soucis techniques pour le moment. Et donc, par exemple, la possibilité d'avoir le téléphone en live. Voilà, donc on ne peut pas l'appeler. Non, malheureusement. Sorry, on ne peut pas t'appeler parce que ça ne passera pas, tout simplement. Voilà. Mais... on va en parler. Voilà, on est beaux joueurs. Et donc, on va revenir sur... cette manifestation qui s'appelle En attendant le printemps, je trouve que c'est bien trouvé. Oui, c'est bien vu. C'est bien vu. Et ça va mettre en lumière les activités diverses et variées de ce fameux collectif. On a Tino, ça devient régulier de la maison ici, évidemment, et toute sa bande. Et donc, on va passer un peu en revue. Tu vas passer un peu en revue toutes les manifestations qui se déroulent samedi prochain. Voilà, alors ouverture des portes à 13h. Mmh. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, avec le salon des labels et des distros. Toujours et sympa on ça. Ouais, voilà. Et on retrouve notamment. Bicock Records, mmh. Ante Records, ouais. God Hates God, forcément. Ah bah ouais, forcément. Les régionaux de l'État. Bah oui. D-Wayne Collective, mmh. Dis ce que tu veux. D-Wayne Collective, ouais, bien sûr. Dis ce que tu veux. Voilà. Alive Records. Ouais. Et Attila Tralala Records. Bah, il y a bien du monde, hein. Il y a du monde, donc il y a moyen de se faire plaisir, à mon avis. Avec tous des gens, par exemple, chez... voilà, des gens de... je vais y arriver, Unicubic, par exemple, Gilly Gilly Goulag. C'est ça. Tous ces gens sont sur ces labels-là. Voilà. Donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Forcément, quand on parle musique, on parle concert... Ben ouais. À 17h30, vous retrouverez Animal Youth, mm-hmm. qu'on connaît bien chez nous. 18h25, Megamoto. Ouais. 19h20, Fingers the Band. Ouais. 20h15, Missiles of October. Ouais. Ouais. Ouais. À 21h10, Les Fondras. Ouais. À 22h20, Morcobo. Ouais. Et 23h30, La Jungle. Et. Voilà, fermeture des portes à 2h du matin quand même. Joli, hein. Il y a moyen de se passer une bonne après-midi, une bonne nuit. À fond, franchement, de 13 à 2h du matin, là. C'est ça. Et donc, Swingers, par exemple, on a eu Iban, hein, qui est dans un Life of an All in Alaska, qui est le guitariste, qui joue dans ce groupe-là. C'est ça. On parlait de D1, et donc forcément, on parle de La Jungle. Bah oui. Voilà. Tu peux redire les autres? Megamoto, ouais. Swingers the Band, Missiles of October. Ouais, ouais, chez Pogo Records, qu'on connaît très bien chez nous. Et allez, Missiles of October, pour la petite histoire, ça doit faire la quatrième année qu'ils font une demande pour venir au Elbar. Ah, ce serait peut-être la bonne. Donc on va demander aux gens qui s'occupent de l'event un petit peu de se pencher sur ce cas-là. Et de faire venir Missiles of October ici, parce que franchement, ça, à chaque fois, ça colle pas. Hein. Donc, c'est pas possible. 2017, ça pourrait le faire. Allez, ce serait la bonne année. Ça serait la bonne année. Alors, à savoir que tout ça se passe à Dour, ouais. On va le préciser, au centre culturel de Dour. Quand rue même. Du marché numéro 1, à 7370 Dour. Bon, l'entrée, il y avait des préventes à 9 euros, je me souvenais. C'est ça. Ouais, et le jour même Je suis en train de chercher... Ouais. J'ai pas toutes les infos tout le temps. J'ai pas. Je n'ai pas. Je suis ouais, ça doit pas être trop cher. Je ne pense pas. 12-13 euros, un truc comme ça. Mais enfin bon, pour avoir une journée comme ça, avoir évidemment plein de maisons de disques et puis 6-7 groupes là quand même qui vont jouer. Donc ça peut le faire quoi. 7 groupes, ouais, quand même. Hein, ça peut le faire. Un mini festival. Pas cher du tout. Non. Si vous voulez découvrir certains groupes, même si pour nous en tout cas on en connaît déjà pas mal. On en connaît pas mal, ouais. Allez-y. Ouais. Extrême Scandalous, collectif qui est basé à Dour, qui on n'a pas fini d'en parler ici dans les canards, on n'a pas fini de les recevoir, on n'a pas fini de les avoir par téléphone quand ça va fonctionner. Ouais, ce serait bien. Mais ouais. Peut-être bien pour un débrief de la journée. Et peut-être bien pour un débrief, pourquoi pas, ouais. D'ici là, ça devrait être réparé, je suppose. On croise les doigts. Je ne sais pas. Je n'ai pas la maîtrise. Non, pas du tout. Vraiment. Non, non. Et je pense qu'il n'y a personne dans la maison qui a la maîtrise vraiment de cette affaire ici. Donc, donc voilà. Surprise. Ah, peut-être le comptable. Lui, il y a peut-être la maîtrise sur cette affaire. Peut-être. On lui passera un coup de fil. On va lui passer un coup de fil. On doit passer des coups de fil. Voilà. Bon. Allez, on vous parlait de la jungle, on vous parlait de Day One Records, on vous parlait d'Attila Tralala. Tous ces gens-là, évidemment, genre de bonne composition, des passionnés de musique, évidemment. Et là-dedans, retrouve, ils pourraient être à ce festival en attendant le printemps. Enfin, cette manifestation. Ils n'y sont pas. Enfin, que pour moitié, ils y sont, puisque je vous parle des Petula Clark, qui sortait fin 2015 un album qui s'appelle All Up and Vrij, yeah. Tous les singes libres. Et extrait de cet album All Up and Vrij, on va écouter Jimmy's Revenge, Petula Clark. C'est parti. On ne vous a pas tout dit, l'émission qui fait débat, quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit, les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la cellule environnement de la ville de Moucron, le centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. Ouais, effectivement, on vous a pas tout dit, c'est une émission débat. La première a eu lieu mercredi dernier, c'était 25 janvier. Il y a une deuxième qui arrive en février, c'est un peu l'événement pour la radio jusque fin mai, voilà. Hein. Donc c'est un peu l'événement radiophonique puisque c'est chaque fois des émissions en public, avec le public, et avec plein de gens qui viennent parler des sujets qui nous touchent finalement. Donc soyez au rendez-vous et... C'est l'instant un peu promo, auto-promo de la maison. Ça doit venir de temps en temps. Mais émission très intéressante. Voilà. Prochain sujet en février. De mémoire, je pense que c'est le 23 ou 24 février. Et il y a... Ouais, je l'ai. Ouais. Voilà, alors ce sera le 22 février. Voilà, bon. Les aspects sociaux. Les aspects sociaux. Allez, soyez au rendez-vous. One line. One line. A paper. A sound. Books on the radio. Allez, Books on the radio, premier de l'année 2017. Le retour. Le retour. Alors, on va partir encore une fois en France et encore une fois avec Franck Tillier. On ne change pas les bonnes habitudes. Le bouquin s'appelle Puzzle et c'était sorti en 2013. Voilà, ça n'a rien à voir avec la série... des Franck Charcot et Lucie Hennebelle. C'est bien un bouquin bien à part. Et en fait, dès le début, on se rend compte qu'il y a 7 personnes qui ont été tuées dans un chalet dans la montagne, à coups de tournevis. Ouais. Et on retrouve... Quelqu'un qui avait du temps à perdre. Parce que c'est pas la manière la plus rapide de tuer des gens, quand même. En effet. C'est clair. Et on va retrouver, à quelques mètres de là, un garçon d'une vingtaine d'années qui est recroquevillé sur lui-même et qui semble avoir peur. Et on va l'arrêter et le mettre en hôpital psychiatrique. Mmh. Voilà. Ça, c'est pour la première partie. En tout cas, pour le début. Ensuite, on va passer complètement à autre chose et on va se retrouver avec Ilan, qui est un jeune qui a perdu un an auparavant ses parents, soi-disant dans un accident de navire. Voilà. Et il se serait noyé, mais on n'avait jamais retrouvé les corps. Et son père et sa mère étaient chercheurs et ils avaient trouvé quelque chose d'intéressant, sur en tout cas le cerveau humain. Et son père lui avait laissé une carte que lui n'arrive pas du tout à décoder, mais il pense que en fait ses parents ont été tués parce que des personnes voulaient cette carte. Ouais. Ouais. Bon. Jusque là, ça va. Ça peut aller. On retrouve également son ex-petite amie Chloé, qui va venir lui rendre visite et qui va lui parler en fait d'un jeu qui s'appelle Paranoïa. À savoir que le couple était expert en chasse au trésor. Et notamment les grands jeux sur Internet qui vous donnent un peu des indices à droite à gauche. C'est à vous de les suivre. D'accord. Et d'aller vous promener de ville en ville pour trouver et pour gagner le pactole. Mmh. Voilà. Et donc Chloé revient et lui dit ça y est, j'ai trouvé peut-être une brèche pour un jeu qui s'appelle Paranoïa. Puisqu'ils se sont penchés sur ce jeu pendant des années, sans jamais pouvoir y entrer. D'accord. Ilan, lui, était sorti de tout ça parce qu'avec la mort de ses parents, sa petite amie Chloé, justement, qu'il avait quittée, il avait décidé de complètement décrocher. Donc au début, il est un peu hésitant. Ouais. Puis finalement, il va se lancer dans l'aventure avec Chloé pour entrer dans ce jeu Paranoïa. D'accord. Et ils vont retrouver la trace de jeux à Paris, notamment. Et donc, ils vont se retrouver embrigadés dans Paranoïa avec 6 autres personnes et 6 autres joueurs. Et ils vont se retrouver en fait enfermés dans un ancien asile désaffecté pour gagner la somme de 300 000 euros. Ouais. C'est plutôt pas mal. Bah ouais. Voilà. Alors, il va se passer plein de choses, forcément, vous vous en doutez. À savoir que la première règle, en tout cas du jeu Paranoïa, quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité, il s'agit d'un jeu. Suivi de la deuxième règle, qu'ils retrouveront en fait en dessous de leur oreiller en se levant le premier matin dans cet asile, l'un d'entre vous va mourir. Bah, ça donne envie tout de suite. Hein. Ça donne envie. Ah, franchement, ouais. Donc, en fait, ça va se passer vraiment à huis clos dans ce fameux asile désaffecté. Et il y a tout un tas de choses qui vont se passer jusqu'à la fin. Et donc, deux parties, tu disais en présentation, deux, c'est vraiment... Il y a deux parties parce qu'il y a une partie où on retrouve les meurtres et tout. Lui qui est arrêté, qui est mis en hôpital psychiatrique et en fait qui parle avec sa psy. D'accord. Voilà. Et ça entrecoupe un peu les parties du jeu Paranoïa en fait. Ok. Ah voilà. Voilà. Bon, quand t'as dit explications. Ça. Et quand t'as dit ça, t'as pas tout dit. Non. Bon. Pas du tout. Bon, ça a l'air capillotracté encore une fois. C'est vachement recherché. C'est très bien ficelé. Ouais. C'est du Franck Tillier, donc forcément, c'est très bien ficelé. Voilà. Même si j'avoue, tu te doutes un peu du truc, quand même. Ouais, gros comme une maison. Voilà, c'est un peu gros comme une maison. Mais il y a des moments où tu te dis, bah oui, c'est ça. Et il y a des fois, tu doutes et tu te dis, merde, ce serait peut-être pas ça, finalement. Mais non, très, très bon bouquin à lire du début à la fin. Tu t'arrêtes plus, en fait. Bon. Parce qu'il se passe plein de choses, non ? À savoir aussi que si vous ne voulez pas lire, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu allergiques aux bouquins. Bah, il ne faut pas écouter Books on the Radio, alors. Non, mais Puzzle est sorti en BD. Ah ! Voilà. Donc, pour ceux qui veulent le lire, c'est sorti chez Ankama en 2016. Ouais. Et donc, si vous voulez peut-être le lire en BD, façon de parler, bah, vous pouvez également le faire. Bien. C'est pas beau. Bien. Voilà. Puzzle Franck Tillier, c'était sorti en 2013. Ouais. Et alors, pour répondre à une question qu'on m'a posée, tiens, les canards, quand vous parlez des albums de la semaine et tout ça, on voit les pochettes. Et quand on parle des bouquins, on voit pas les pochettes sur notre page Facebook, apparemment. Enfin, apparemment, oui, c'est vrai, on les voit pas. Non. Donc, on pourrait faire une session album photo avec la pochette du bouquin et un petit résumé, par exemple, du jour. D'accord, je vous mettrai, promis, ouais, je vous mettrai le bouquin, ouais. Voilà, la couverture. Et la BD. Et la BD, si vous voulez, à côté. Bah, et le quatrième de couverture, comme ça, tout le monde sera content. C'est pour... Non, mais c'est parce que tu parles du bouquin et de la BD, donc je me dis, bah, ça me passe parfois au-dessus de la tête, mais là, voilà, comme ça, on peut répondre à la demande. D'accord, je répondrai à votre demande. Promis. Allez, ils vont démarrer une tournée en février, c'est-à-dire la semaine prochaine, vu que tout va très très vite, à travers la France, l'Italie, la Slovénie, l'Autriche, la Hongrie ou encore la Suisse, les Révoques. On ne parle pas encore de nouvel album, mais ben voilà, ils se mettent en route, donc c'est bien, ils seront accompagnés de ça. Chaos City Sexual, évidemment, qui est le fond sonore pour cette séquence de Books on the Radio. Ouais, tout est dans tout. C'est ça. Donc, Chaos City Sexual plus Révoque, ben, un peu partout, de la France à la Slovénie, en passant par la Suisse, l'Autriche, l'Hongrie, l'Italie. Bref, ils vont voyager. Ça démarre, j'ai pas les dates là tout de suite, ça démarre à partir du 10 février. Voilà, première date, ça sera Grenoble à l'Engrenage. Révoque et Chaos City Sexual. On avait ça peut être simple. On avait Chaos City Sexual. On l'aura encore, ils arrivent là. Voilà. Hein, et donc, ben, forcément, on va voir Révoque, extrait de Bunt of Crow, leur album de 2015. On va écouter Not Weird. Révoque, c'est parti. Don't come see. Allez, suite et fin de l'album de la semaine, toujours avec les Français de Mnémotechnique. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé en concert avec Adonina. T'es vrai ? Je suis désolée. Bon. Alors ils ont peut-être joué ensemble. Ou à venir, je sais pas, mais j'ai cru voir les deux noms collés l'un avec l'autre, mais c'est pas grave. C'est possible, on demandera à Adonina. Ouais. Alors à savoir, c'est assez marrant, peut-être pas pour eux, mais le 17 janvier, ils devaient venir jouer en Belgique, figure-toi. À Lens. Ouais. Et finalement, ils sont pas venus jouer. Bon. Parce que... Ben, la météo belge. Ah. Non. Et si. Oh, c'est pas possible. On est en Belgique. Ouais. Donc forcément. Et quoi, trop froid, trop... Apparemment, la météo n'était pas très bonne pour se déplacer. Trop donc, neige, trop... On sait pas. Peut-être trop neige, je ne sais pas. Je sais pas. C'est en tout cas, voilà. C'est juste que la météo n'était pas trop bonne pour venir jusqu'en Belgique, en tout cas. Donc, ils sont jamais arrivés jusque-là. C'est dommage pour eux. Ça, ils auraient fait une halte au Elbar, par exemple. Tu vois, en descendant de l'île, pouf, ici, c'était fait. Nous, on n'avait pas de neige, ils pouvaient venir jusqu'ici. Voilà. C'est tout. Allez, dernier extrait pour cet album Weapons, Mnémotechnique. On va écouter Thistles. So now I'm alone. Now I can think for myself. Avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche étant simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Parce que j'en ai connu, moi, mon cher maître des rois. Et puis pas des petits. Des Hanovres, des Hohenzollern. Rien que des michetons garantis croisades. Take me away. Ah ouais, ça c'est de l'archive. Hein. C'est de l'archive parce que, vous l'avez dit, hein, donc on n'a pas le temps, archive pas préparée. Voilà. Mais ça n'empêche de vous faire découvrir des choses, en tout cas j'espère. Le titre qu'on vient d'écouter c'est Movoko Sintaka, Nachtun Nebel. Et ça figure sur une compilation qui s'appelle New Wave Club Classics, volume 1. Et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler d'un groupe en particulier. Ni d'un album en particulier, mais j'ai presque envie de dire d'un phénomène générationnel. Parce que les années 80 étaient très très solides et très riches pour les concepteurs de la compilation, en 91, ils décident de sortir une série de compilations, format CD, qui s'appelle les New Wave Club Classics. Et nombre d'années plus tard, de nombreux nostalgiques aussi. ou quarantenaires, c'est selon... continue à faire vivre ces compilations qui étaient juste énormes. Parce qu'évidemment, s'il faut passer la tracklist, il y a les grands classiques, bien sûr. Mais il y a plein de choses inconnues, passées inaperçues, dont on n'imaginait pas que. Et au final, redécouvrir tout ça, c'est une vraie, vraie richesse, vraiment. New Wave Club Classics, alors Nachtun Nebel, premier titre qu'on écoutait pour le moment. Enfin, pour démarrer, Nachtun Nebel, c'est un groupe belge, évidemment. évidemment, avec un nom. Ouais, pareil. Bien sûr. Mené par un certain Patrick Marina Scholes. Marina, c'est son deuxième prénom aussi. Mais qui deviendra vite Patrick Nebel. Et Nachtun Nebel, voilà, on est parti. Groupe qui se forme dans la région de Tilt, voilà. 1984, ils ont un hit assez solide qui s'appelle The Beats of Love. Ah oui, voilà. Ah bah oui. C'est Nachtun Nebel. Et puis plus rien, en même temps plus rien parce que Patrick Nebel va décéder au milieu des années 86, voilà, c'est ça, il fera une attaque, une crise cardiaque. Et donc, ben voilà, c'est la fin du projet, du groupe, etc. Mais à côté de ça, bien sûr, c'est un groupe, évidemment, qui a compté, notamment avec Beats of Love, et ce Movoko Sintakar, qui sortait en 82, est probablement moins connu, évidemment, moins évident comme titre. Mais c'est justement parce qu'il y a des titres moins évidents qu'on retrouve ces compilations. Alors, track listing, il y a 14 titres sur la première compilation. Notamment Alien Sex Fan, qui revient deux fois pour Ignore the Machine. Mm-hmm. Alien Sex Fan, c'était grand à l'époque, bien sûr. Il y a Neon Judgment, TV Trade, le classique absolu parmi les classiques. Le Never Alive de Snowy Red. C'est très belge tout ça. Hein. Alors c'est très belge parce que c'est tenu par Antler Subway Records, c'est le label qui s'occupe de tout ça. C'est des gens plutôt de la région d'Arscott, bref, dans la mouvance de Front 242. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Dans la mouvance de La Muerte. Voilà. Voilà. Et donc c'est tous ces gens-là qui sont... Alors c'est pas eux physiquement, personnellement, qui compilent les choses, mais c'est dans l'entourage en tout cas qui construit un petit peu ces compilations. On retrouve d'ailleurs sur cette première compilation Marine, le premier groupe de Marc Desmarais de La Muerte, avec le morceau Life in Reverse par exemple. Et puis on retrouve aussi des groupes vraiment intéressants, et on va terminer avec ça pour ce soir, mais promis, il y aura du boulot autour de ces New Wave Club Classics. Là, c'est l'occasion fait le larron, évidemment. Il y a combien de numéros de... Alors, il y en a 8, ah. Plus une spéciale qui est sortie en 2016, un triple album. Il y a de quoi faire. Bon, évidemment, il y a des morceaux qui reviennent un petit peu. Il y a eu un best-of aussi. Enfin, voilà, il y a... Alors, le volet commercial, mais il y a aussi évidemment les 8 en tout cas, c'est pas pour le commerce, enfin si évidemment c'est le volet commercial, mais c'est pour l'intérêt historique et archiviste de la musique qu'il faut conseil consommateur, acheter ces 8 compilations, c'est bien, le best-of c'est pas obligé, et le spécial de 2016, bon allez, oui, il est pas mal, ouais, bon, il y a plein de copains de gens qu'on aime bien dessus, voilà, quoi. C'est ça. Voilà, mais pour l'intérêt purement historique, contentez-vous des 8 compilations, c'est vraiment bien. Alors, on retrouve sur cette compilation numéro 1 Medium Medium. Plus grand monde sait que Medium Medium fut un super groupe de post-punk, limite funk, un peu. Alors, ça s'appelle Medium Medium, ils sont de Nottingham, en Angleterre, et quasi en même temps aux États-Unis, à New York, il y a Liquid Liquid. Ben, on est un peu dans la même veine, voilà, c'est le même monde. C'est funk à tous les étages, il y a des cuivres, il y a du sax, il y a. Des percussions un petit peu originales, il y a beaucoup de synthé, mais il y a aussi de la grosse basse, enfin, il y a plein de choses là-dedans. C'est très très riche. De mémoire, je pense qu'ils sont 8 musiciens sur scène, c'est quand même pas mal. Et Medium Medium s'est reformé en 2009, je pense bien, ou 2010. Mais là, on va se contenter de retourner à l'époque, hein, milieu des années 80, enfin début des années 80, Medium Medium avec le titre Hungry So Hungry. Medium Medium, c'est parti.

Nouveau. Nouveau. Allez, on attend le petit jingle. Bon, il ne faut pas aller forcément. Il ne veut pas. Il ne peut pas fonctionner. Il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui. Ah si, ça va venir. Ah. Nouveau. Voilà. Ah, voilà. Je t'ai pas entendu, mais non, pas ça entendu. Fait plaisir. Allez, les Canadiens de Timber Timber, qui reviennent 3 ans après leur dernier album Hot Dreams. Ils sortiront un album, en fait, le 7 avril, voilà, qui s'appelle Sincerely Future Pollution, qui a été écrit, en fait, pendant tous les problèmes politiques. De l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, du côté du canard là. Ouais, là, l'autre canard, ça. Là, c'est ça, voilà. Voilà. On écoutait Sour Blues, qui est le premier extrait de cet album. Bien. Bien. Le premier, je pense, un très bon album. Ça a l'air de présenter en tout cas quelque chose de bien. Ouais. Ça, c'est sûr. Allez, poursuivre. Album qui sortait en 2014, White Light Generator, les Anglais de Crippled Black Phoenix, groupe dirigé par un seul bonhomme qui s'appelle Justin Greaves, mais qui s'entoure d'une pléiade de musiciens, c'est assez... assez impressionnant. Justin Greaves, on retrouve notamment Tom Greenway, Mark Funeral, Ben Wixer, Dan Chapman, Jonas Stahlhelmer, et alors je compte pas la liste kilométrique de gens qui collaborent à la musique de Crippled Black Phoenix. On retient que c'est le projet d'un seul bonhomme, Justin Greaves, qui est bien dans son temps, qui travaille plutôt les choses, la matière, voilà, on va dire dans le post-rock, dans le prog-rock parfois, avec quelques incursions psychédéliques. Allez. Hein ? Ah ouais. Crippled Black Phoenix sur cet album donc de 2014 qui s'appelle White Light Generator. On va écouter Let's Have an Apocalypse Now. I long to thrash out, to tear down, to destroy and annihilate, to ravage. Wreak havoc and plunder. Cripple Black Phoenix avec quand même un univers bien à lui. Hein. Ça, c'est pas à dire. Le gars Justin Grievous, extrait de leur album 2014. Ben voilà, c'est bien senti. Ouais. Alors, hors antenne, moi j'aimerais vraiment bien passer ce morceau-là. Bon, bah allons-y alors. Et ben voilà, c'est fait. Non. Non, ben on non, passe maintenant. C'est toi, d'accord, qui me disais. Allez, le trio australien, mm-hmm, PVT. Ah. Oui, ils nous reviennent enfin. Mm-hmm. C'est comme ça. Avec un nouvel album qui sortira le 17 février. Ouais. On y est presque. Et ils ont sorti un petit film, mm-hmm, avec un morceau bien de chez eux. Le morceau s'appelle Morning Mist, mm-hmm, Rock Island Band. Et c'est extrait de ce album qui sortira le 17 février, New Spirit. Longue plage, on est parti pour près de 10 minutes. Ouais, 9 minutes exactement. Thank you. J'en perds ma mot. Eh ben, donc, disais-je. Oui. Quand même. Ah. On a affaire à du sérieux. Hein. Aussi. Sérieux client, quand même. PVT. Les Australiens. Ouais, qui reviendront donc le 17 février avec un nouvel album qui s'appelle New Spirit. Waouh. Ça a l'air très, très, très, très solide. Ça va être très solide. Ça a l'air très, très, très, très solide. Il y a déjà un deuxième extrait qui tourne un peu. Bon. Vous le passerez la semaine prochaine. Ouais. 9 minutes aussi ou... Non, il fait 4 minutes, je pense. Allez, un mot quand même sur le service public qui organise ses victoires de la musique à lui. Ouais. Ça s'appelle les Decibel Music Awards. Et on en pense ce qu'on en veut, évidemment, dans ce genre de réception, voilà. Ouais. J'ai envie de dire que ça a le mérite d'exister. Ouais, et puis c'est pas mal. Et que c'est bon enfant. Ouais, c'est belge. Et c'est tout à fait belge. Voilà, c'est tout à fait belge. Et c'est plutôt bon enfant. Donc, après, peu importe qui remporte quoi. Parce que, bon, voilà, on en fait peut-être des tonnes, il faudrait pas. Mais c'est pas ça le principe. Mais là-dedans, il y a quand même un groupe qui tire son chapeau. Ouais, et qui n'est pas belge en fait. Ouais. Sauf qu'ils sont basés à Bruxelles, c'est tout. C'est ça, un trio et il n'y a pas de belge dedans. Voilà. Mais c'est le meilleur groupe belge. Ouais. C'est bien belge tout ça. C'est la mixité belge tiens. En fait. Rien que pour ça, tiens. Le groupe s'appelle Puggy. Ouais. Alors Puggy chez les canards, quoi, scandale. C'est ça de la musique alternative, c'est ça de la musique autre, etc. De temps en temps, on rentre dans des choses un peu, des considérations un peu plus classiques aussi, hein, pourquoi pas. Ouais, et puis c'est le morceau de décroche, donc. Voilà. On fait ce qu'on veut avec notre morceau de décroche. C'est ça. Déjà. Voilà. Puggy, donc trio, on l'a dit avec un français, un anglais et un suédois. Donc il n'a rien de belge. Qui parle, de mémoire, je pense qu'ils parlent tous les trois français. Ils parlent tous les trois français. Ouais. Ouais. Bah oui. Donc implantés à Bruxelles, et c'est pour ça qu'ils sont considérés comme groupe belge. Et d'ailleurs eux-mêmes se considèrent comme groupe belge. Voilà. Voilà. À croire qu'il y a quoi faire chez nous, mine de rien. Ouais. Ils sortaient l'année passée un album qui s'appelle Colors. Ouais. Et surtout, il y avait ce morceau sur cet album. C'est probablement un des hits les plus hits de ces 15 dernières années. C'est ça. Tout est dedans. Tout. Et alors qu'on soit, peu importe son obédience et peu importe genre de musique, rap, métal ou quoi que ce soit, ce truc-là, une fois qu'on l'a dans l'oreille... On l'a tout le temps. C'est fini. C'est fini, tu l'as dans la tête pendant toute la journée. Le morceau s'appelle Lonely Town. Ouais. Forcément. Et on va même se quitter avec ça parce que vous savez qu'on a des petits problèmes techniques. Pour revenir après à l'antenne, c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà, que vous fassiez, faites bien, sortez couverts, soyez prudents. À la semaine prochaine, bye bye. Bonsoir.